بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين. أما بعد، toujours, c'est notre deuxième assise, inshallah, autour de l'interprétation de la parole du monothéisme du Cheikh Mohamed Lablab, rahimahullah ta'ala, avec l'interprétation de son éminence, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, wa matta'abih. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب بقوله: اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها. La question a été posée à son Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdelhab, rahimahullah ta'ala, en ce qui concerne la définition et la signification de la ilaha illallah. Et il a répondu: sache qu'Allah te comble de sa sainte miséricorde, que cette parole, c'est la séparation entre la mécréance et l'islam. C'est la parole de la piété, c'est la parole du taqwa, c'est l'on solide, c'est la parole qu'a laissée en héritage Ibrahim alayhi salam. Il l'a laissé dans sa descendance pour qu'ils y reviennent. Ibrahim alayhi salam a laissé cette parole qui la ilaha illallah pour derrière lui, pour sa descendance, pour qu'ils y reviennent. Et ce qu'il voulait avec, ce n'est pas la dire avec sa parole, avec sa langue, tout en ignorant sa signification. Ah, et si nous nous sommes arrêtés, وَلَيْسَ الْمُرَادُ قَوْلُهَا بِاللِّسَانِ مَعَ الْجَهْلِ بِمَعْنَاهَا. Et le but, et ce qui est voulu, ce n'est pas la dire avec la langue, tout simplement en ignorant sa signification. Fa, ici, Cheikh Al-Fawzan, de dire en commentaire: ليس المقصود قول لا إله إلا الله باللسان فقط من غير فهم لمعناها، لا بد أن تتعلم معنى ما معنى لا إله إلا الله. أما إذا قلتها وأنت لا تعرف معناها فإنك لا تعتقد ما دلت عليه، فكيف تعتقد شيئا تجهله؟ فلا بد أن تعرف معناها حتى تعتقده، تعتقد بقلبك ما يلفظ به لسانك. فلازم أن تتعلم معنى لا إله إلا الله، أما مجرد نطق اللسان من غير فهم لمعناها فهذا لا يفيد شيئا. Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de sa science et qu'il lui donne et qu'il le comble de ses bienfaits dans ce bas monde et dans le delà, dit: le but, ce n'est pas de dire la ilaha illallah avec la langue, tout simplement, sans comprendre sa signification, sans comprendre ce que ça veut dire. Il est obligatoire que tu saches et que tu comprennes la signification de la ilaha illallah. Mais si tu l'as dit alors que tu ne connais pas sa signification, Tu ne vas pas croire à ce que prouve la ilaha illallah et ce que signifie la ilaha illallah. Comment tu peux croire en quelque chose que tu ignores? Donc il est obligatoire de connaître sa signification pour que tu puisses la croire et y croire. Et croire à sa signification. Il faut que tu connaisses sa signification pour croire à la signification de la ilaha illallah et à sa définition. Tu y crois avec ton cœur. Tu crois avec ton cœur, se prononce ta langue. Et il est obligatoire que tu saches la définition de la ilaha illallah et la signification de la ilaha illallah. Alors que le fait de la dire tout simplement avec sa langue, sans compréhension de sa signification, cela ne peut te servir à rien. يقول حفظه الله أيضا: لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق اللسان، بل لا بد من العمل بمقتضاها، وذلك بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله كلمة نطق وعلم وعمل، ليست كلمة لفظ فقط. إلى حفظه الله تعالى يوسي سنسيفي بادك خواه avec le cœur ce qu'a prononcé ta langue. Hein? Ça ne suffit pas de croire avec le cœur et de prononcer avec sa langue. Il est obligatoire de mettre en application les obligations de la ilaha illallah et d'accomplir la religion et l'adoration sincèrement pour Allah et délaisser tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la ilaha illallah, c'est une parole à prononcer et c'est une science et c'est une mise en application. Ce n'est pas une expression tout simplement. C'est une parole à prononcer et une science à avoir et une mise en application. أما المرجئة فهم يقولون يكفي التلفظ بلا إله إلا الله أو يكفي التلفظ بها مع اعتقاد معناها والعمل ليس بلازم من قالها ولم يعمل شيئا من لوازمها هو من أهل الجنة ولو لم يصلي ولو لم يزكي ولم يحج ولم يصوم ولو فعل الفواحش والكبائر والزنا والسرقة وشرب الخمر وفعل ما يريد من المعاصي وترك الطاعات كلها لأنه تكفي لا إله إلا الله عندهم il dit حفظه الله تعالى كنت مرجئا il dit ça suffit le fait de prononcer la ilaha illallah ça suffit ou alors ça suffit de prononcer la ilaha illallah et de croire sa signification et la mise en application n'est pas obligatoire celui qui l'a dit même s'il œuvre pas et il met pas en application ce que lui impose la ilaha illallah, pour eux il fait partie des gens du paradis. Même s'il prie pas, même s'il s'acquitte pas de la zakat, même s'il fait pas le pèlerinage, même s'il jeûne pas, même s'il tombe dans le blâmable, même s'il a et il tombe dans les grands péchés et les péchés capitaux, dans zina, dans le vol, dans le fait de consommer l'alcool. Et même s'il fait toute forme de désobéissance, il délaisse l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, pour eux ça suffit qu'il ait dit la ilaha illallah. يقول الشيخ حفظه الله هذا مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل من حقيقة الإيمان ويعتبرون العمل إن جاء به فبها ونعمت وإن لم يجئ فإنها تكفي لا إله إلا الله عندهم. Il dit, ça c'est la voix des Mourji'a qui sortent les œuvres de la réalité de la foi. C'est-à-dire, la foi c'est une chose, c'est dans le cœur, et les œuvres c'est une autre chose. Et ils mettent de côté les œuvres. Et ils disent, s'ils ramènent les œuvres, c'est bien, c'est un bienfait. Mais s'ils ne les ramènent pas, ça lui suffit la ilaha illallah pour eux. ويستدلون بأحاديث تفيد أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على هذه الأحاديث فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم له أحاديث أخرى تقيد هذه الأحاديث ولا بد أن تجمع بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه إلى بعض لا تأخذ منه طرفا وتترك طرفا يفهمنا الله عز وجل الشيخ دون دير qu'ils prennent comme preuve certains hadiths dont le sens est celui qui dit la ilaha illallah rentrera au paradis. Mais le messager d'Allah Azza wa Jalla n'a pas dit tout simplement ces hadiths. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit d'autres hadiths qui viennent conditionner ces hadiths. Et donc il est obligatoire de réunir à ce chapitre les paroles du messager alayhi sallatu salam et à tous les sujets il faut que tu réunisses les paroles du messager alayhi sallatu salam les unes aux autres non pas que tu prennes une partie et que tu laisses une autre partie لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا أما الذي يأخذ طرفا ويترك طرفا فإنه من أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما عبد من دون الله وهذا حديث صحيح لماذا غفلتم عنه وقال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله il dit حفظه الله تعالى car la parole du prophète عليه الصلاة والسلام donne une parole donne l'explication de l'autre parole et une parole du prophète عليه الصلاة والسلام nous éclaire sur d'autres paroles du prophète عليه الصلاة والسلام mais quant au fait de prendre certaines paroles et délaisser d'autres paroles du prophète عليه الصلاة والسلام ceci c'est la voix des gens de la déviance des gens qui suivent l'ambigu, comme il est dit dans le verset dans Sourate Al-Imran, verset 7, et et suivent ce qui est ambigu, ce qui n'est pas clair, parce qu'ils veulent la fitna, ils veulent lui donner une fausse interprétation. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi, celui qui dit la ilaha illallah, et qui mécroit en tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Et ça, c'est un hadith authentique. Pourquoi vous l'avez mis de côté? Pourquoi vous n'êtes pas attentif à ce hadith? Et il a dit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au feu de l'enfer celui qui dit la ilaha illallah. Sincèrement, pour Allah, et volant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les deux, ce sont des hadiths authentiques. Le premier est rapporté par l'imam muslim. Le deuxième, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam muslim. Amma alladhi yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunillah wa yad'u al-awliya was-salihin fa inna hadha la tanfa'u la ilaha illallah. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, quant à celui qui dit la ilaha illallah, et qui ne mécroit pas en ce qui s'adore en dehors d'Allah, et qui demande aux morts, qui demande à ce qu'on appelle awliya et aux vertueux, celui-là, la ilaha illallah, ne lui servira à rien. لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يأخذون الذي يصلح لهم ويتركون الذي لا يصلح لهم. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, les paroles du messager alayhi salam, l'une donne l'explication de l'autre, et l'une donne les définitions à l'autre, et l'une nous éclaire sur l'autre. Donc ne prends pas une parole du prophète alayhi salam et délaisse les autres paroles du prophète alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'interprétation approximative de ce verset dans sourate Al-Imran, et il dit dans ce verset, et c'est lui qui a descendu sur toi le livre. Parmi ce livre, il y a des versets qui sont clairs, qui sont la mère du livre, et d'autres qui ne sont pas clairs. Quant à ceux qui ont de la déviance dans leur cœur, ils suivent ce qui n'est pas clair, ce qui porte à équivoque du livre. Cheikh, il dit, Hafidhahullah Ta'ala, ils prennent ce qui est bon pour eux, et ce qui n'est pas bon pour eux, ils ne le prennent pas. Ce qui leur convient, ils le prennent. Ce qui convient à leur tendance, ils le prennent. Et ce qui convient pas, ils le prennent pas. ويقولون استدللنا بالقرآن نقول ما استدللتم بالقرآن القرآن إن قال كذا فقد قال كذا فلماذا تأخذون بعضا وتتركون بعضا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Ils disent, nous avons pris comme preuve le Coran. Cher de dire, on leur dit, vous n'avez pas pris comme preuve le Coran. Le Coran, il dit ceci, et le Coran, il dit aussi cela. Pourquoi vous prenez une partie et vous prenez pas l'autre partie? Pourquoi vous délaissez l'autre partie? Et il cite le verset, toujours dans la suite du verset de Al-Imran, verset 8. Et ceux qui sont ancrés dans la science, ils disent, nous y croyons. Tout vient de notre souverain. Nous y croyons. Tout vient de notre souverain. Al-Muhkam wa al-Mutashabih. Fayaruddouna al-Mutashabih ila al-Muhkam. Wa yufassilounahu bihi. Wa yuqayidounahu bihi. Wa yufassilounahu. Amma innahum ya'khudouna al-Mutashabih wa trukouna al-Muhkam. Fahadi tariqatu ahli al-Zayr. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, que ce soit le clair dans le Coran et ce qui n'est pas clair, les hommes de science qui sont ancrés dans la science, ils prennent les deux. Ils ramènent ce qui n'est pas clair vers ce qui est clair. Et ça lui donne l'interprétation. Et ils le conditionnent avec. Et ils le détaillent avec. Mais quant au fait de prendre juste l'ambigu et ce qui porte à équivoque, et laisser ce qui est clair, ça, c'est la voie de ceux, des gens de la déviance. يقول فالذين يأخذون بحديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ويقتصرون على هذا ولا يريدون الأحاديث يريدون الأحاديث الواضحة التي فيها القيود وفيها التفصيل فهؤلاء أهل الزيغ. Il dit, حفظه الله تعالى, quant à ceux qui prennent le hadith qui dit, celui qui dit la ilaha illallah rentrera au paradis, ils se suffisent de ce hadith, ils ne ramènent pas les autres hadiths clairs. il ne conditionne pas ce hadith avec ses, avec ses, avec les autres hadiths, dans ces hadiths où il y a le détail, où il y a les conditions. Ceux-là, ce sont les gens de la déviance. Ceux-là, ce sont les gens de la déviance. يقول فيجب على طالب العلم أن يعرف هذه القاعدة العظيمة لأنها هي جماع الدين وهي أساس الملة. ليس المقصود أنك تأخذ آية أو حديثا وتترك غيره، بل المقصود أنك تأخذ القرآن كله وتأخذ السنة كلها. Il dit, Hafidhahu Allah Ta'ala, il est des devoirs des demandeurs de science qu'ils doivent connaître cette règle géante, car il unit, c'est l'union de la religion, et c'est la base de cette milla, de cette religion. Hein? Le maqsoud, ce qui est voulu, et le but, c'est pas que tu prennes ce verset et tu laisses l'autre. C'est pas que tu prennes ce hadith et tu laisses l'autre hadith. Le but, c'est que tu prends tout le Coran. Le but, c'est que tu prennes toute la sunna. يقول وكذلك كلام أهل العلم العالم إذا قال كلاما لا تأخذه وحده حتى ترده إلى كلامه الكامل وتتبع كلامه في مؤلفاته لأنه يقيد بعضه بعضا. Et il dit, il en est de même des paroles des hommes de science. L'homme de science, quand il dit une parole, ne la prend pas toute seule sa parole, jusqu'à ce que tu la ramènes à d'autres paroles qui sont plus complètes, plus détaillées, et tu suis ses paroles dans ses écrits pour conditionner ses paroles les unes par les autres. Et ceci est très important. Hein? Frère en Allah Azza wa Jal. Et j'ouvre la parenthèse, je dis, des fois, l'homme de science, selon la situation, il donne une courte réponse à une question qui lui est posée. Parce que la situation implique ceci. Il y a cette situation, il y a sa parole. Et des fois, tu le vois, il le détaille, et il donne des éclaircissements encore plus. Hein? Quoi? C'est pour ça qu'il est obligatoire que dans différents sujets, et dans les écrits des hommes de science, tu regardes, et dans leurs paroles, et dans leurs verdicts aussi, pour ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a dans des endroits, il y a le détail, il y a dans d'autres droits, la situation implique d'être bref, il fait bref. ها يقول الشيخ حفظه الله لأنهم على سنن كتاب الله وسنة رسوله فترد المطلق إلى المقيد من كلامهم. Il dit parce que les hommes de science suivent le livre, suivent la sunna du messager عليه الصلاة. Dans ces cas-là, leur parole qui est au sens général, tu la ramènes vers les paroles qui vont la conditionner de leurs paroles et qui la conditionnent de parmi leurs paroles. فطالب العلم يجب عليه أن يأخذ هذه القاعدة معه دائما. Le demandeur de science, il doit prendre cette règle avec tout le temps, mettre en application tout, et quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, de la ramener vers, qui n'est pas détaillé dans la parole des hommes de science, là, de la ramener vers les paroles qui sont détaillées pour que comprendre tout. Donc le demandeur de science, il est obligatoire qu'il mette en application tout le temps cette règle. وَيَحْذَرْ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ الزَّيْغِ الَّذِينَ يَخُذُونَ الَّذِي يَصْلُحُ لَهُمْ وَيَتْرُكُونَ الَّذِي لَا يَصْلُحُ لَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَمِنَ السُّنَّةِ وَمِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ. Il dit, et il doit mettre en application cette règle, il doit faire attention à la voix de ceux qui ont dévié et qui prennent ce qui est bon dans la parole des hommes de science ou du livre ou de la sunna, et il délaisse ce qui n'est pas bon pour eux et ce qui ne convient pas à leur tendance et à leur voix. Il délaisse les paroles du livre et de la sunna qui ne convient pas à leur voix et à leur sunna. Et aussi, ils agissent ainsi dans les paroles des hommes de science. Combien de fois, frère en Allah, Azza wa Jal, tu vois que quelqu'un t'envoie une parole d'un homme de science et tu vois qu'il l'a amputée, et que cette parole sortie de leur contexte, il ne veut plus dire la même chose que ce qu'a dit l'homme de science. « وَيَبْتُرُونَ النُّقُولَ وَيَتْرُكُونَ بَاقِي الْكَلَامِ أو يتركون الكلام الثاني الذي يوضحه ويأخذون الكلام المشتبه ويتركون الكلام البين. » Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, ils agissent ainsi avec la parole des hommes de science. Ils amputent les paroles, ils enlèvent des morceaux, ils délaissent les paroles, ils délaissent ce qui suit dans la parole, qui va éclairer sur le début. Ils prennent des paroles, ce qui porte à équivoque. Ils laissent ce qui est clair parmi les paroles. كثير من الذين يدعون العلم غفلوا عن هذا الشيء إما عن قصد التضليل وإما عن جهل فيجب معرفة هذه الأمور وأن تكون أصولا وقواعد عند طلب العلم عند طالب العلم. دي beaucoup parmi ceux qui prétendent la science sont inattentifs à ces choses. soit par le but d'égarer, soit par ignorance. Donc il est obligatoire de connaître ces choses. Ça doit être des fondements pour nous et des règles chez le demandeur de science. Hein? Yaqulu al-Sheikh al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa ghafara lahu. فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. شيخ الإسلام محمد بن لهاب رحمه الله تعالى يقول que les hypocrites disent لا إله إلا الله mais ils sont plus bas degré, plus bas que les mécréants. Il est dit dans le verset dans sourate Nisa verset 145, ils sont au plus bas degré du feu de l'enfer, plus bas que les mécréants. يقول الشيخ الفوزان المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار حوله المهاجرون والأنصار وقوي الإسلام وانتصر الدين في بدر تلك الواقعة العظيمة التي طار خبرها في المشارق والمغارب لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على صناديد قريش وقريش كانت تاج العرب وكان الناس ينظرون إليها. Il dit, Habibullah Ta'ala, en commentaire à ce passage, les hypocrites qui sont au plus bas degré de l'enfer, plus bas que les mécréants, comme il est cité dans le verset, ceux-là font apparaître l'islam dans leur apparence et ils cachent la mécréance. Car quand le messager alayhi salatu salam a quitté la Mecque vers Médine, et autour de lui s'est constitué le Muhajiroun et les alliés de Médine, l'islam s'est renforcé et la religion d'Allah a triomphé lors de la bataille de Badr, cette bataille énorme dont les nouvelles se sont propagées très vite à l'est et à l'ouest, car le messager alayhi salatu salam a triomphé sur les têtes de Quraysh et la puissance de Quraysh, qui Quraysh était la couronne des Arabes et les Arabes la regardaient parce que Quraysh était très forte. فلما انتصر عليها صلى الله عليه وسلم في بدر وقتل رؤوسها عند ذلك قال المنافقون نحن وقعنا في المدينة بين المهاجرين والأنصار ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا نعمل لجأوا إلى حيلة وهي أنهم يظهرون الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين ويحافظوا على دمائهم وأموالهم والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الظاهر لا يدري عن القلوب إلا الله سبحانه وتعالى فمن أظهر الإسلام قبلناه منه حتى يظهر منه ما يخالف ظاهره. Il dit, حفظه الله تعالى, الشيخ الفوزان, quand le Rasoul صلى الله عليه وسلم a eu le triomphe, a triomphé lors de la bataille de Badr, et que les têtes de Quraysh ont été tuées, dans ces cas-là, les hypocrites de Médine, ils ont dit, nous sommes tombés à Médine entre le Muhajiroun et l'Ansar, ils ont avec eux le messager, alayhi sallam. Qu'est-ce que nous allons faire? Que devons-nous faire? Ils sont allés à cette ruse, ils ont montré l'islam. Ah, ils sont convertis en apparence pour vivre au milieu du musulman et pour protéger leur fortune et pour protéger leur vie. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il lui appartient tout simplement l'apparence des gens. Il ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. Les cœurs ne connaissent ce qu'il y a dans les cœurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui fait apparaître l'islam, on accepte de lui des chefs. Et celui qui fait apparaître autre chose que l'islam, donc... Et on accepte de celui qui fait apparaître l'islam jusqu'à ce qu'il ne fasse apparaître quelque chose qui est en divergence avec l'islam. De là, frère en Allah, je trouve cette parenthèse. Certains disent, hein, je connais l'intérieur de celui-ci. Si il a un but pur, il a une mauvaise intention. Comment tu peux le savoir, Akhifillah? Comment tu peux le savoir? Alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas ce qu'il y avait dans les cœurs. Et ce qu'il y a dans les cœurs, il n'appartient qu'à Allah. Nous devons faire très attention à ce genre de, hein, ce genre de choses et ce genre de paroles. Hein? Yaqul al-Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, wa qalu لا إله إلا الله، وشهدوا للرسول بالرسالة ظاهرا، كما قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة. Ils ont dit لا إله إلا الله. الشيخ de nous dire Et chers de nous dire, ils ont dit, les hypocrites ont dit, la ilaha illallah. Ils ont attesté le message au messager, alayhi salatu wassalam, en apparence, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat les hypocrites, verset 1, verset 2, il dit qu'on arrive vers toi, les hypocrites, ils disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Et Allah sait que tu es son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Ils ont pris leur croyance, ils ont utilisé leur croyance comme citadelle de protection pour se protéger. Junna, يعني سترة يستطيرون بها. فالمنافقون دخلوا في الإسلام لما رأوا قوة المسلمين ظاهرا وبقوا على الكفر باطنا والعياذ بالله. Il dit, Junna, ça veut dire, ils ont pris la foi comme une citadelle de protection pour se protéger. Donc les hypocrites sont, dit Cheikh Fawzan, sont rentrés dans l'islam quand ils ont vu la puissance des musulmans. Ils sont rentrés en apparence dans l'islam et dans leur fort intérieur, ils sont rentrés dans leur mécréance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Yaqul, walidalika ja'alahum Allahu fi d-dark al-asfali min an-nar, tahta al-mushrikin. تحت المشركين عبدة الأوتان تحت الملاحدة لعظيم جرمهم وخداعهم ومكرهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Il dit عبد الله تعالى, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a mis au plus bas degré du feu de l'enfer, plus bas que les associateurs, les adorateurs du statut et les adorateurs de tout ce qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, et plus bas que les athées, car leur crime, le crime des hypocrites est beaucoup plus énorme, et leur trahison est beaucoup plus énorme, et leur stratagème est beaucoup plus énorme. Et il est dit dans le verset, dans Sourate Al-Baqarah, verset 9, ils trahissent Allah et ceux qui ont cru, mais en réalité ils ne se trahissent quand même, ils ne le savent pas, ils ne le sentent pas. يقول الشيخ الفوزان فالمنافق يقول لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل من النار فكيف تقولون إن لا إله إلا الله يكفي المجرد التلفظ بها وهؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار وهم يقولون لا إله إلا الله فدل أن مجرد النطق بها لا يكفي إلا باعتقاد القلب وعمل الجوارح يلدي حفظه الله تعالى l'hypocrite dit لا إله إلا الله il se trouvera au plus bas degré du feu de l'enfer. Comment vous dites que ça suffit le fait de prononcer la ilaha illallah alors que ces hypocrites ils la prononcent, ils l'ont prononcé, ils seront au plus bas degré du feu de l'enfer alors qu'ils disent la ilaha illallah. Et cela prouve que le fait de tout simplement dire la ilaha illallah ne suffit pas, il faut aussi avec croyance du cœur et les actes des membres, il faut la croyance avec et les œuvres aussi. يقول الشيخ محمد بن لهاب رحمه الله مع كونهم يصلون ويتصدقون. Et toujours concernant les hypocrites, il dit alors qu'ils prient et qu'ils donnent l'aumône. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله المنافقون يصلون ويتصدقون ويخرجون للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الدار ولكنهم منافقون في قلوبهم وهم يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم. Il dit حفظه الله تعالى الشيخ الفوزان en commentaire à ce passage, les hypocrites prient, donnent l'aumône, sortent avec le Rasoul صلى الله عليه وسلم au combat en apparence, mais ils sont des hypocrites dans leur cœur. Ils disent la ilaha illallah, mais il leur servira à rien du tout. يقول ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول le but c'est de la dire et de la connaître avec son cœur et de l'aimer et d'aimer les gens de la ilaha illallah et détester tout ce qui est en divergence avec la ilaha illallah et détester les ennemis de la ilaha illallah et de le prendre comme tel. يقول الشيخ الفوزان المراد من لا إله إلا الله قولها باللسان مع اعتقاد القلب بها والعمل بمقتضاها وموالاة أهلها ومعاداة من خالفها، وهذا هو الحب في الله والبغض في الله، هذه كلها من مقتضى لا إله إلا الله. ولهذا قالوا لا إله إلا الله لها سبعة شروط نظمها بعض العلماء بقوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. زاد الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله شرطا ثامنا فقال: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. وركنا لا إله إلا الله هما النفي والإثبات، فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات، بل لا بد من الاثنين. إيه شيخ الفوزان دو ندير لو بوت دو لا إله إلا الله سي دو لا دير افيك لا لونغ اي دي كروار افيك سون كور et d'œuvrer et de mettre en application les obligations de la ilaha illallah, et de s'allier avec les gens de la ilaha illallah, et désavouer et de prendre comme ennemis et de s'en éloigner ceux qui sont en divergence avec la ilaha illallah. Et ça, c'est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Tout ça fait partie des obligations de la ilaha illallah. C'est pour ça, dit Cheikh Al-Fawzan, qu'ils ont dit la ilaha illallah, il a cette condition. Et certains nombres de sciences ont ramené cette condition dans un poème. Et ils ont dit: science, certitude et sincérité et ta véracité avec amour et conditionnement pour la ilaha illallah et l'acceptation de la ilaha illallah. Cheikh Saïd, Saad ibn Atir, a rajouté une huitième condition: c'est que tu me crois en ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi toutes les choses qui s'adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh de nous dire, il est pili de la ilaha illallah sans la négation et l'affirmation. Ça ne suffit pas la négation et ça ne suffit pas l'affirmation. Il est obligatoire de ramener la négation et l'affirmation. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. Il dit, حفظه الله تعالى, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la. C'est-à-dire, Cheikh Mohamed Abdel Wahab, comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit la ilaha illallah sincèrement, dans une version du hadith, sincèrement dans son cœur, dans une autre version, avec véracité dans son cœur, dans un autre hadith, celui qui dit la ilaha illallah et qui me croit en ce qui s'adore en dehors d'Allah. يقول الشيخ الفوزان: من قال لا إله إلا الله مخلصا، هذا قيد لم يقتصر على قوله من قال لا إله إلا الله، بل قال مخلصا من قلبه. لا يكفي أنه يقول لا إله إلا الله حتى يكون ذلك خالصا من قلبه، لئلا يكون من المنافقين الذين يقولونها بألسنتهم ولكن لا يقولونها بقلوبهم. إيه الشيخ الفوزان دكم مونتي سو باساج إلى دي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دي لا إله إلا الله سانسيغمون. Il dit, celui qui dit la ilaha illallah sincèrement, il a dit ça, c'est une condition. Il n'a pas dit tout simplement, il a dit la ilaha illallah, mais il a dit sincèrement de son cœur. Il l'a dit sincèrement de son cœur, dans son cœur. Ça ne suffit pas le fait de la dire. Il faut que ça soit avec une sincérité dans le cœur pour qu'il ne soit pas parmi les hypocrites qui l'ont dit avec leur langue et qui ne l'ont pas dit avec leur cœur. يقول: ومن قال لا إله إلا الله وكفر بما عبد من دون الله، هذا قيد عظيم، وهو قوله وكفر بما عبد من دون الله، لأن كثيرا يقولون لا إله إلا الله ولا يتركون عبادة القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب الحاجات من غير الله، هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله لأنهم لم يكفروا بما يعبد من دون الله. Il dit aussi en commentant, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit la ilaha illallah et qui a mécru ou ce qui s'adore en dehors d'Allah, il a dit ça, c'est une condition énorme. Le fait qu'il ait dit Hein? Et mes croix, on dort d'Allah, on ce qui s'adore, on dort d'Allah. Il dit car beaucoup disent la ilaha illallah, ils ne délaissent pas l'adoration des tombes, ils ne délaissent pas le fait de demander aux morts, ils ne délaissent pas le fait de demander secours aux morts, ils ne délaissent pas le fait de demander les choses à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit cela, la ilaha illallah, ne leur sera d'aucune utilité. Car ils n'ont pas mécru en ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس. على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. Et la parole du Cheikh Mohamed Abdelahab, rahmatullah alayhi, continue de nous dire et d'autres parmi les autres hadiths qui prouvent que beaucoup de gens ignorent cette attestation. يقول الشيخ الفوزان أكثر الناس يجهلون هذه الشهادة يحسبونها مجرد لفظ يقال باللسان وكثير من العلماء لا يفهمون معنى لا إله إلا الله وهم علماء في الفقه علماء في النحو علماء في الحديث ولكن أكثرهم ليس له عناية بالتوحيد أو يتعلم عقيدة الأشاعرة وعلماء الكلام التي تقتصر على توحيد الربوبية. Et Cheikh Al-Fawzan de nous dire, beaucoup de gens ignorent la signification de l'attestation. Ils croient que le fait de la dire tout simplement, c'est une expression à dire avec la langue, tout simplement. Beaucoup d'hommes de science ne comprennent pas la signification de la ilaha illallah. Et alors que ce sont des hommes de science de la jurisprudence, des hommes de science de la grammaire, des hommes de science du hadith, mais beaucoup ne donnent pas l'importance au monothéisme. Beaucoup apprennent les croyances des Asha'ira et les croyances des hommes de science de la spéculation de la parole et qui s'arrêtent tout simplement et qui ne concernent tout simplement que le monothéisme de la seigneurie. Wa yaquluna la ilaha illallah wa yufassirunaha la khaliqa illallah la yaqdir ala al-ikhtira' illallah hada tafsiruhum laha fahum la yata'adduna tawhid ar-rububiyyah wa yufassiruna la ilaha illallah bima la yazid an tawhid ar-rububiyyah ولا يتعرضون لتوحيد الألوهية الذي هو مطلوب لا إله إلا الله. Ils disent, c'est-à-dire ces mauvais savants, la ilaha illallah, et il explique comme quoi il n'y a de créateur qu'Allah, n'est capable d'innover et de créer les choses qu'Allah, c'est ça leur interprétation. Ils ne dépassent pas le monothéisme de la souveraineté et de la seigneurie. Ils expliquent la ilaha illallah avec quelque chose qui ne dépasse pas le monothéisme de la seigneurie. Et ils ne s'attaquent pas au monothéisme de l'adoration qui est demandé par la ilaha illallah et qui est la réelle signification de la ilaha illallah. يقول اقرأوا عقائد المتكلمين تجدون أنهم يركزون على إثبات وجود الله كأن الله فيه شك والاعتراف بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره ولا يذكرون العبادة ولا يذكرون الألوهية أبدا هذا لا يزيد على دين المشركين الذين قال الله فيهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله يثبتون الرب ولكن يعبدون غيره ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء Il dit, lisez les livres des croyances de ceux qui s'occupent de la science de la parole. Vous allez trouver qu'ils, toutes leurs explications vont vers le fait de confirmer l'existence d'Allah. Comme s'il y a un doute sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Et vers le fait de reconnaître qu'Allah est le créateur, c'est lui qui donne la subsistance, qui c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort, autre. Et il ne cite pas l'adoration. Il ne cite pas le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne dépasse pas la religion des associateurs qui ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit d'eux, dans Surat Yunus, verset 31, dit, qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre, et qui possède, lui, il a vu, et qui sort le vivant du mort, et qui sort le mort du vivant, et qui gère les situations, ils vont dire c'est Allah. Ils confirment la signature d'Allah, mais ils adorent autre qu'Allah, comme il est dit dans l'autre verset de Surat Yunus, verset 18. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut pour ni le bien ni le mal, et ils disent cela, ce sont nos intermédiaires chez Allah. ما يقولون إنهم يخلقون ويرزقون ولكن يقولون إنهم شفعاء وسطاء لنا عند الله فالأمر خطير جدا. Il dit حفظه الله تعالى, ils ne disent pas qu'ils créent, qu'ils donnent la subsistance, mais ils disent ce sont nos intermédiaires chez Allah عز وجل. Donc la situation est dangereuse. فهناك لبس لبس كثير في هذا الأمر وظل كثير من هذا من الناس بهذا اللبس. Et donc il dit, hein, il y a beaucoup de déguisements, de faux déguisements de la situation. C'est pour ça que beaucoup de gens se sont égarés avec ces faux déguisements. Il dit الذي يخلص التوحيد ويبين معنى لا إله إلا الله يقولون هذا يكفر المسلمين. Et quant à celui qui réserve le culte à Allah subhanahu wa ta'ala et qui montre, qui éclaire les gens sur la définition de la ilaha illallah, il dit celui-là il rend mécréant les musulmans. يقول الشيخ نحن نبرأ إلى الله من الذي يكفر المسلمين نحن ما نكفر إلا من كفره الله ورسوله فالذي لا يحقق لا إله إلا الله قد كفره الله ورسوله. الشيخ de nous dire, nous on désavoue, hein, et on est innocent devant Allah subhanahu wa ta'ala de ceux qui rendent mécréants les musulmans. Il dit nous on rend mécréants ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu mécréants. Est-ce que le message est ceux que le message a rendu mécréants? Et celui qui n'accomplit pas la ilaha illallah, il a été rendu mécréant par Allah et par son messager alayhi salati wa salam. Et on arrête là pour aujourd'hui inshallah. Wa subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli allahumma wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi وصبي أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا.